بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre Usul al-Iman. C'est le charh du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le charh, c'est le charh de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafadahullah. On est donc toujours dans le chapitre de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il a cité tous les hadiths, ou bien pas tous les hadiths, mais beaucoup de hadiths qui expliquent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna. Et ici, il a cité un hadith, on a commencé à expliquer l'attribut d'Allah qui est Ar-Rahma, la miséricorde. Et au dernier cours, on a mentionné un hadith à ce sujet-là, et c'était le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري. Donc ça c'est le hadith d'Abu Huraira. Il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque Allah a créé la création, il a écrit dans un livre auprès de lui au-dessus du trône, ma miséricorde a devancé ma colère. C'est rapporté par Al-Bukhari. On a lu ce hadith et on l'a expliqué. Maintenant, le deuxième hadith dans le chapitre, c'est le hadith suivant. Il dit وَلَهُمَا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. سبحان الله. Tu lis les hadiths de la miséricorde, ça te fait oublier tous les problèmes de cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la miséricorde 99 parties. Il a divisé la miséricorde en 99 parties. Il a gardé 100 parties. Oui, il a fait de la miséricorde 100 parties, hein, 100 parts, comme s'il a divisé en 100 parties. Et il a gardé auprès de lui 99 parties de la miséricorde. Et dans ce bas monde, sur la terre, il en a mis une seule. Et à partir de ce seul morceau de miséricorde, ou cette partie de la miséricorde qu'il a mis sur terre, à partir de celle-ci, les créatures se font la miséricorde entre elles, jusqu'à l'animal qui va soulever sa patte ou sa griffe, hein, de son petit, par crainte de lui faire mal. Yani, toute la miséricorde qui existe dans ce bas monde, c'est seulement une part de 100. Hein. C'est donc une sur 100. Subhanallah. Alors imaginez les 99 qui restent, c'est les 99 qui restent pour les croyants dans l'au-delà. Donc si avec une seule miséricorde on a tout ça, imaginez avec les 99 autres, qu'est-ce qui nous attend? On ne peut même pas imaginer. On espère qu'Allah nous fasse part de cette miséricorde. Hein? Amin. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique le hadith. Il dit وَهَذَا حَدِثٌ عَظِيمٌ فِيهِ بَيَانُ سِعَةَ رَحْمَةِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ فَالرَّحْمَةُ لَهَا أَسْبَابٌ وَهِيَ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ قَالَ تَعَالَى فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Donc ici, le cheikh, il explique que ça, c'est un hadith qui est immense dans sa signification. Et il y a dedans l'explication de la largesse ou l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite le verset 156 et 157 dans Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et Allah dit, je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent. Hein? Et dans le verset en arabe, il y a un « Sa'aktubuha lil-ladhina yattaqun ». Encore une fois, la traduction ici, elle est limitée parce que la taqwa, ce n'est pas la crainte seulement. La taqwa, c'est beaucoup plus que la crainte. On a expliqué, la taqwa, c'est de chercher un moyen de se protéger contre Allah et contre son châtiment en faisant ce qu'il nous a ordonné de faire et en s'écartant de ce qu'il nous a interdit. Donc, les gens qui ont la taqwa, c'est ceux qui font ce que Allah ordonne et qui s'écartent de ce qu'il a interdit. Donc, il dit ici, hein, je la prescrirai à ceux qui se préservent de moi, hein, et qui acquittent la zakat et qui ont la foi en nos signes, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit ensuite que la miséricorde, elle a des causes. C'est-à-dire que pour la mériter, il faut avoir respecté certaines conditions. Et il faut avoir fait certaines causes pour pouvoir l'obtenir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas la mériter parce qu'ils n'ont pas respecté ces conditions-là. Et il dit que c'est une miséricorde qui est immense. Et il cite le verset 147 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors il dit, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, cependant sa rigueur ne saura être tournée des gens criminels. Hein? Donc il est miséricordieux, mais en même temps les gens qui sont criminels, ceux qui sont mécréants ou ceux qui sont hypocrites ou ceux qui sont mushrikin, ils ne vont pas pouvoir profiter de cette miséricorde-là parce qu'ils n'ont pas fait les causes pour l'obtenir, c'est-à-dire avoir la foi, accepter l'unicité d'Allah et adorer Allah et obéir à ses messagers. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, وَمِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً فِي الْأَرْضِ وَعِنْدَهُ 99 رحمة قد ادخرها سبحانه ليوم القيامة وهذه الرحمة التي أنزلها في الأرض تتراحم المخلوقات من آثارها حتى إن الدابة أي البهيمة التي ليس عندها عقل ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فهي رحمة طبيعية جعلها الله فيها وهي من آثار هذه الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تتراحم بها الخلائق فيما بينهم فإذا كانت هذه آثار رحمة واحدة فكيف ببقية الرحمة التي عنده سبحانه وتعالى وفي يوم القيامة تنضم هذه الرحمة إلى ما عنده من الرحمة التي ادخرها سبحانه لتكون مئة رحمة لتكون مئة رحمة يرحم بها من يستحق الرحمة من عباده الذين فعلوا الأسباب الموجبة لها في هذه الدنيا فتابوا واستغفروا وأنابوا ورجعوا إلى الله وأصلحوا أعمالهم. Donc le cheikh, il dit donc que cette miséricorde qui a été mentionnée dans ce hadith qui est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc ça c'est le hadith qu'on dit en arabe « muttafaqun alayh »,« muttafaqun alayh », c'est-à-dire les savants, ils ont tous été d'accord au sujet de son authenticité. Donc les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim, c'est les hadiths dont le niveau d'authenticité est le plus élevé de tous les hadiths. Puis après cette catégorie-là, il y a le hadith de Bukhari tout seul et après le hadith de Muslim tout seul. Mais les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim ensemble, ça c'est le plus haut degré d'authenticité. On l'appelle Al-Muttafaq Alayh. Donc le cheikh dit dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné que, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que Allah a envoyé sur terre une miséricorde et qu'il a gardé auprès de lui 99 miséricordes qu'il préserve jusqu'au jour de la résurrection. Et avec cette miséricorde qu'il a envoyée sur terre, les créatures se font miséricorde les unes aux autres. Et ça, ça fait partie des effets de cette miséricorde qu'il a mise sur terre. Même l'animal qui n'a pas de raison, quand elle marche avec ses sabots ou avec ses griffes ou avec ses pattes et elle risque de piétiner son petit qui est encore faible, elle va soulever son sabot ou bien sa patte ou sa griffe pour éviter de lui faire mal. Hein? Donc ça c'est une miséricorde que Allah a mis dans la nature même de cet animal-là et c'est un des effets de la miséricorde que Allah a envoyée sur terre et à partir de cette miséricorde que Allah a donnée sur terre, eh bien toutes les créatures entre elles se font miséricorde les unes aux autres. Donc si ça c'est l'effet d'une seule miséricorde, alors que dire de toutes les autres 99 qui restent auprès d'Allah et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va rajouter cette miséricorde qu'il a mise sur terre aux 99 autres pour que ce soit un nombre complet de 99 miséricordes et il va la mettre pour ses serviteurs qui ont fait les causes pour obtenir justement cette miséricorde-là dans cette vie d'ici-bas et qui se sont repentis, qui ont demandé pardon à Allah, qui sont revenus repentants à Allah et qui se sont réformés dans leurs œuvres. Et le cheikh il dit ensuite فَهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ وَصْفُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى بِالرَّحْمَةِ وَأَنَّهَا رَحْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ يَرْحَمُ فِي الدُّنْيَا وَلَكِنَّ رَحْمَتَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْظَمُ فَمَنْ لَمْ تَسِعْهُ رَحْمَةً أو لم تسعه رحمة الله فإنه خاسر لا خير فيه والله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فإذا تراحموا رحمهم الله فمن مقتضى هذا الحديث ذكر أن أسباب رحمة الله تعالى إنما تنشأ من تراحم العباد فيما بينهم سبحان الله. Cette signification là est tellement importante, tellement grande. Franchement, si on y réfléchit, subhanallah. Ok. Donc, le cheikh, il explique ici, il dit, dans la description de ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la miséricorde. Et il a mentionné que cette miséricorde, elle est immense. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fait la miséricorde. Hein? Il fait miséricorde dans cette dunya, mais que sa miséricorde dans l'au-delà, elle est plus grande que sa miséricorde dans ce bas monde. Alors celui qui considère ou qui trouve que la miséricorde d'Allah elle ne lui suffit pas, alors il est perdant. Hein? Il n'y a pas de bien en lui. S'il n'aime pas la miséricorde d'Allah, il n'y a pas de bien en lui. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va faire miséricorde à ceux d'entre ses serviteurs qui sont miséricordieux entre eux. Subhanallah. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, si tu veux que Allah soit miséricordieux envers toi, alors c'est facile, tu n'as qu'à être miséricordieux envers les autres. Malheureusement, il y a certains, même parfois certains musulmans, ils sont très, très, très, très, très durs avec les autres. Hein? Oui. Il y en a des gens, ils sont sans pitié avec les autres quand les autres font une erreur. Mais eux, hein, ils veulent que tout le monde soit miséricordieux avec eux. Comment ça, tu veux que tout le monde soit miséricordieux avec toi? Puis toi, tu veux être dur avec tout le monde. Ça, c'est pas correct. Hein? Sois avec les autres comme tu veux que les autres soient avec toi. Et si tu veux que Allah soit miséricordieux envers toi, sois miséricordieux envers les autres. Hein? Regardez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Abdullah ibn Amr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites miséricorde à ceux qui sont sur terre et celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. C'est qui est fis sama? C'est Allah. Ça, c'est encore une preuve contre les Asha'ira et les Mu'tazila et les Jahmiya qui nient Al-Ulu et qui refusent d'affirmer que Allah est au-dessus de sa création. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man fis sama. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est fis sama. Et ici, donc, ça veut dire, tu veux que Allah te fasse miséricorde, fais miséricorde aux autres sur terre. Hein? La dureté et la méchanceté, ça ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. Le cheikh, il dit, وَقَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ. L'exemple des croyants dans leur amour, dans leur miséricorde, dans leur amour les uns envers les autres, dans leur miséricorde les uns envers les autres, dans leur affection, hein, et leur douceur les uns envers les autres, c'est comparable au corps, un corps humain. Lorsque un membre du corps te fait mal, tout le reste du corps ressent la chaleur de la fièvre et l'incapacité de dormir. Hein? Si ton bras il te fait mal, hein, c'est pas juste ton bras qui va souffrir, c'est tout ton corps au complet qui souffre. Hein? C'est tout ton corps au complet qui fait la fièvre. Alors que la douleur, elle n'est pas dans tout ton corps, elle est juste dans ta main, dans ton bras. La umma, c'est la même chose. Hein? Si une partie souffre, le reste devrait ressentir cette souffrance-là. Et il dit, le cheikh, après ce hadith-là, il dit, donc faites miséricorde aux autres, les uns aux autres, et Allah va vous faire miséricorde. Parce que parmi les choses qui sont impliquées dans ce hadith-là, il y a que les causes de la miséricorde d'Allah, elles viennent uniquement, c'est-à-dire pour l'obtenir, cette miséricorde d'Allah, la cause c'est de faire miséricorde aux autres serviteurs, ou que les serviteurs se fassent miséricorde les uns aux autres. Ça, c'est une leçon extrêmement importante pour nous, les musulmans. Le cheikh, il dit ensuite, وَلِي مُسْلِمٍ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانِ وَفِيهِ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِيهِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كملها بهذه الرحمة نعم. كل رحمة تباق ما بين السماء والأرض OK, donc le cheikh il a mentionné qu'il y a dans une autre narration de Muslim, il y a la même signification que le hadith précédent. Et cette narration-là, elle est rapportée par Salman, ou selon Salman, al-Farisi, radiyallahu anhu. Et dans sa narration à lui, il y a des points qui ont été rajoutés, c'est-à-dire des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été mentionnées en plus, qui n'ont pas été mentionnées dans l'autre version. Ça dit que chaque miséricorde, elle comprend tous les cieux et la terre. Et à la fin de cette narration-là, il est dit, et lorsque viendra le jour de la résurrection, on va compléter les 99 miséricordes avec celle-ci. avec celle qui a été placée sur terre. Le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit, « Fil hadith, bayanu mada si'ata rahmat, si'ata anna kulla rahmatin min al-mi'ati rahma, allati tassafa Allahu biha, fal rahmatu al-wahidatu tasa'u al-samawati wal-ard. » فإذا كان يوم القيامة كاملت الرحمة مئة رحمة بانضمام الجزء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض إلى ما ادخره في السماء فصارت مئة رحمة في الآخرة وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل وهذا أيضا من شأنه أن يجعل الإنسان لا يقنط من رحمة الله تعالى قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Donc ici, le cheikh, il explique que dans ce hadith, il y a l'explication de la grandeur de la miséricorde d'Allah ou de l'étendue de cette miséricorde, du fait que chaque miséricorde parmi les saints par laquelle Allah s'est décrit, il dit que cette miséricorde unique, qui une seule miséricorde parmi les... une seule miséricorde, elle enveloppe ou elle est aussi large que les cieux et la terre. Donc la miséricorde qu'il a mise sur terre, elle englobe aussi les cieux, pas seulement la terre. Et il dit donc, quand ça va être le jour de la résurrection, il va rajouter cette miséricorde aux 99 autres qu'il a gardées auprès de lui dans les cieux. Et donc ça va compléter le nombre de 100 miséricordes dans l'au-delà. Et ça, c'est la preuve de l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la grandeur de sa miséricorde. Et c'est pour ça que l'être humain ne devrait jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 53 dans sourate Az-Zumar, ce qui signifie, dis, ô mon serviteur, qui ont eu des excès contre leur propre âme, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la langue de Ibrahim, son bien-aimé, Al-Khalil, alayhi salatu wa salam, dans le verset 56 dans Surat Al-Hijr. Il dit ce qui signifie « Et qui, excepté les ignorants, qui, excepté les égarés, désespère de la miséricorde de leur Seigneur ?» Qui, excepté les égarés, désespère de la miséricorde de leur Seigneur ? Et il mentionne également par la langue de Ya'qub, alayhi salam, dans Surat Yusuf, le verset 87, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les paroles de Ya'qub, alayhi salam, qui signifie « Et ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, seuls les mécréants ou bien personne ne perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, excepté les peuples mécréants. » Le cheikh dit ensuite « Wa fi hadha al-hadith » وما جاء بمعناه من الأحاديث والآيات الكريمة بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة الله حتى ولو تعظم ذنبه فإنه ينبغي أن لا ييأس من العودة والرجوع إلى الله وأن لا يعتقد بأنه لا يغفر الله له وأن لا يترك التوبة وييأس من رحمة الله عز وجل بل عليه أن يتوب ويرجو رحمة الله مهما كان ذنبه ومهما كانت معصيته فإذا تاب منها تاب الله عليه وكذا المشرك وكذا المشرك والكافر والمنافق والزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الربا فهؤلاء جميعا إذا ما تابوا تاب الله عليهم. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولكن ينبغي للإنسان أن لا يتكل على سعة الرحمة على سعة رحمة الله وبالتالي يتهاون بالمعاصي. فكما أن الله عز وجل واسع المغفرة فإنه شديد العقاب. Donc ici le Cheikh il explique, il dit que dans le hadith et dans ce qui a été rapporté des autres hadiths aussi dans le même sens ainsi que dans les versets, il y a l'explication que le musulman ne doit jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, même si le péché qu'il a fait est immense. Il ne doit pas perdre l'espoir de pouvoir revenir et de pouvoir retourner à Allah. Et il ne doit pas croire que Allah ne va pas lui pardonner. Et il ne doit pas délaisser la repentance et perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Plutôt, il doit se repentir et espérer la miséricorde d'Allah, peu importe ce qui était son péché, peu importe ce par quoi il avait désobéi à Allah. Et lorsqu'il se repent de ce péché, Allah va accepter sa repentance et revenir vers lui. La même chose pour le mushrik, celui qui fait le shirk. La même chose pour le kafir, celui qui a fait le kufr. La même chose pour le munafiq, celui qui a fait le nifaq, l'hypocrisie. La même chose pour le zani, celui qui a commis l'adultère ou la fornication. La même chose pour le voleur. La même chose pour celui qui boit de l'alcool. La même chose pour celui qui a fait du riba. Hein? Tout cela, s'ils se repentent à Allah, Allah va revenir repentant vers eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, le verset 53 à 54, ce qui signifie, non, c'est pas ce verset-là, mais c'est un verset yani, qui parle de la repentance. Et ça, c'est un des... Les ulama, ils ont dit, il n'y a pas de verset dans le Coran qui donne plus l'espoir aux croyants en son pardon et sa miséricorde que ce verset-là. Le verset 53 dans Surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie « Ô mes serviteurs qui ont commis des excès contre votre propre âme, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. » Non. Donc, le Cheikh, il dit, mais il faut savoir que l'être humain, il ne doit pas, malgré ça, se reposer uniquement ou entièrement sur la miséricorde d'Allah et par conséquent, négliger ou donner peu d'importance ou comme ne pas prendre au sérieux les péchés qu'il commet. Comme si, par exemple, il va dire, Allah il est miséricordieux, Allah il va me pardonner, je peux continuer à faire les péchés, c'est pas grave. Ça c'est al-ghurur, ça c'est la personne qui se fait des idées fausses à propos d'Allah, elle est trompée dans ses idées. Donc c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est vaste et grande que ça veut dire que tu peux te permettre de faire ce que tu veux et de négliger les obligations et de te permettre de faire les péchés comme tu veux. Parce que de la même manière que Allah, sa miséricorde est vaste et immense, eh bien, il est également dur en châtiment. Le Cheikh il dit, قال تعالى فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وقال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب فعلى الإنسان أن لا يتساهل في عمل المعاصي بل عليه أن يتقي الله ويخاف من العذاب كما يرجو الرحمة. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 147 dans sourate Al-An'am dit alors dit votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde. Oui, c'est ça. Et il ne renvoie pas le châtiment ou il ne retient pas le châtiment des peuples criminels. Et dans l'autre verset qu'il a cité, c'est le verset 3 dans sourate Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie « Pardonneur du péché, accepteur de la repentance, dur en châtiment. » Et dans d'autres versets, il y a un autre verset dans lequel, dans sourate Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nabbi'ibadi anni anal ghafur al-rahim wa anna azabi huwa al-azabul est-ce que c'est al-azabul alim wa anna azabi huwa al-azabul alim. » Hein? T'es sûr? Moi j'avais un petit doute là. Mais effectivement, yani, subhanallah, il dit dans ce verset ce qui signifie informe mon serviteur que je suis le pardonneur et le miséricordieux et que mon châtiment, c'est le châtiment. Oui, c'est le verset 49 dans Surat al-Hijr. نبعبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. C'est le verset 50. Et donc informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Donc là, ça ramène encore la notion de la miséricorde et de l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et dans l'autre verset, il dit et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Pour que les croyants soient toujours entre la crainte et l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez remarquer ça. Dans le Coran, chaque fois qu'il parle du paradis, en général, il va mentionner l'enfer après. Ou s'il commence par l'enfer, il va parler après du paradis. Et s'il mentionne le châtiment, il va mentionner la miséricorde aussi. Donc toujours pour que le croyant soit en équilibre entre les deux. La miséricorde et la crainte. Pas seulement l'espoir, pas seulement la crainte. Et ceux qui sont tombés dans la crainte seulement et qui adorent Allah juste avec la crainte, ils tombent dans l'extrémisme. Ils deviennent comme les khawarij. Et ceux qui adorent Allah juste avec l'espoir, juste avec la miséricorde, l'amour, eux, ils tombent dans un autre extrême, comme les chrétiens, comme les soufis, hein, et les murdia. Donc nous, on doit être dans le juste milieu entre ces deux-là. Si tu fais des péchés, tu mets l'accent sur la crainte pour que ça te pousse à te repentir. Et si tu fais beaucoup d'adoration, tu mets l'accent sur l'espoir, hein, pour t'encourager justement à continuer pour obtenir la miséricorde d'Allah. À la kulli hal, le cheikh, il continue, il dit donc que l'être humain, il doit ne pas prendre à la légère ses péchés et il doit se préserver d'Allah et craindre le châtiment d'Allah de la même manière qu'il doit espérer la miséricorde. فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ هُوَ الْمَطْلُوبُ بَيْنَ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ الْخَوْفُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَلَا يَخَافُ خَوْفًا يُقَنِّطُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا يَرْجُو رَجَاءً يُؤَمِّنُهُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ وَكَمَا أَنَّ اللَّهَ وَاسِعُ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ جَمَعَ سُبْحَانَهُ بَيْنَهَا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ بِقَوْلِهِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ وبقوله فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب فينبغي عدم الغفلة عن هذا الجمع بين الخوف والرجاء فلا يغلب أحدهما على الآخر ولكن قالوا إلا في حالة واحدة وهي عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل فإذا عجز المرء عن العمل وحضره الموت فإنه يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف أما وإنه ما دام على قيد الحياة وكان متمكنا من العمل الصالح والإقلاع عن الذنوب والمعاصي فإنه ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء والرجاء المحمود هو الذي لا يأمن فيه أو لا يأمن به صاحبه من غضب الله عز وجل وعقوبته والخوف المحمود هو الذي لا يقنط صاحبه من رحمة الله لا يقنط صاحبه أو لا يقنط صاحبه من رحمة الله. Donc ici le cheikh il explique que, et on va terminer avec ce point là, il faut réunir les deux, la crainte et l'espoir. Et donc il doit avoir peur du châtiment d'Allah, mais sa crainte d'Allah ne doit pas lui faire perdre l'espoir en sa miséricorde. Donc c'est pas une crainte extrême, c'est une crainte modérée qui doit être dans le juste milieu. Et en même temps, il doit espérer, mais pas espérer au point de se sentir en sécurité contre le stratagème d'Allah et contre sa ruse, pour ceux qui essaient de jouer avec lui, avec sa religion ou avec ses règles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 99, dans Surat Al-A'raf, se sont-ils sentis en sécurité des ruses d'Allah? Personne ne se sent en sécurité de la ruse d'Allah, excepté les gens qui sont perdants, les gens qui ont été perdants. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est immense et vaste, et son pardon aussi, eh bien, il est également dur en châtiment. Et Allah a réuni entre ces deux attributs-là dans plusieurs versets, et c'est dans le même verset souvent qu'il les mentionne les deux, parfois. Comme ici, par exemple, il cite le verset 3 dans Surat Ghafir qu'on a mentionné tout à l'heure. Ghafir al-Dhamb, le pardonneur des péchés. Wa qabil al-Tawb, et celui qui accepte la repentance. Shadid al-Iqab, dur en châtiment. Et dans le verset 6 dans Surat Ar-Ra'd, certes, votre Seigneur est détenteur d'une immense d'un pardon pour les hommes, avec l'injustice qu'ils font, malgré l'injustice qu'ils font. Et ton Seigneur est certes dur en châtiment. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ou être insouciant de cette réunion entre la crainte et l'espoir. Ça, c'est important. Il ne faut pas donc mettre tout l'accent sur l'un et laisser l'autre ou abandonner l'autre. Oui, l'espoir, la crainte et l'amour, les trois, les ulama, et même ils ont fait la comparaison entre un oiseau par rapport au croyant. Ils ont dit, le croyant, il doit être comme un oiseau, et les deux ailes, il a dit, un aile, c'est la crainte, et l'autre aile, c'est l'espoir. Et l'amour, c'est la tête de l'oiseau qui le fait avancer. Qu'est-ce qui le fait avancer? Donc, c'est ça qui le laisse en équilibre. Et l'oiseau, il ne peut pas voler avec un seul aile. Il faut qu'il ait les deux. Et donc, s'il bat juste avec un aile, l'aile de la crainte, il va tomber. S'il se concentre juste sur l'aile de l'espoir, il va tomber aussi. Donc, il faut avoir les deux, l'espoir et la crainte. Parce que le problème avec les gens, quand ils adorent avec la crainte seulement, ils se disent, s'ils font un péché, ils vont se dire, ah, ça y est, c'est fini. Parce qu'ils s'imaginent que le péché qu'ils ont fait, il est tellement grave, Allah ne pourra jamais leur pardonner. Donc, ils disent, dans ce cas-là, je vais m'enfoncer au complet. C'est comme quelqu'un dit, étant donné que je suis déjà fini, je suis déjà perdu, donc aussi bien d'y aller jusqu'au bout. Donc, ils se laissent enfoncer complètement dans l'égarement. Et les autres, c'est ceux qui se basent juste sur l'espoir, et eux, ils disent, mais c'est pas grave si je fais des péchés, Allah il va me pardonner, il est pardonneur, il est miséricordieux, donc il n'y a pas de problème. Et à cause de ça, il continue dans les choses haram. Et comme les chrétiens par exemple, vous les entendez tout le temps, ils parlent et disent Dieu est amour, Dieu t'aime. Et les gens comme ça, ils disent Ben, si c'est comme ça, dans ce cas-là, c'est pas grave, je peux continuer à faire ça. Hein? Et il y a des gens qui vivent même dans le crime et ils ont la bénédiction de leur prêtre ou de l'église. Hein? Pourquoi? Parce que ils se disent, ben, tant que je vais à l'église, je vais être pardonné. Oui. Ouais, non, c'est ça. À l'extérieur, ils semblent être des personnes honnêtes, mais en arrière, là, ils sont des mafieux. Hein? Ils tuent des gens, ils font des crimes, ils détruisent les vies des autres. Et ça leur dérange pas. Hein? Ils pensent que c'est bien quand même parce que ils vont à l'église et ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire par rapport à l'église. Donc ça, c'est de l'hypocrisie. Hein? C'est de l'égarement. Donc ça, c'est très dangereux. Et dans le sens que yani, ces religions-là, ils appellent les gens à continuer à aller dans le péché. Regarde, par exemple, les chrétiens quand ils disent oh, mais si tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel qui est mort pour tes péchés, du moment que tu as accepté Jésus, tu n'as plus de péché. Hein? Jésus, il est mort pour tes péchés, donc ça y est. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu peux faire des péchés encore? Et quand tu parles avec certains chrétiens, surtout les newborn, là, ce qu'on appelle les newborn Christians, les évangélistes et des trucs comme ça, ils te disent non, non, non, non, nous, les chrétiens, on fait plus de péchés. Ouais, il dit, une fois qu'on a accepté Jésus, on fait plus de péché. Pourquoi ils font plus de péché? C'est pas parce qu'ils font plus de péché, en fait. C'est parce que c'est comme s'ils ont éliminé la notion de péché parce qu'ils disent, on est libéré de la loi. On est libéré de la loi maintenant, on vit sous la grâce. Donc on n'a plus besoin de faire de péché puisqu'il n'y a plus de péché. Hein? Et c'est des jeux de mots, en fait, qu'ils font. C'est des jeux de mots, la réalité, ils savent très bien. Il y en a qui disent, par exemple, que le péché originel, c'était le péché de Adam, et que tout le monde, justement, ont été puni par rapport à ce péché-là. Et du moment que on est baptisé, quand quelqu'un devient chrétien, ils le mettent dans l'eau, ou bien ils mettent de l'eau sur sa tête, soi-disant. Puis là, à partir de ce moment-là, ils ont été nettoyés, soi-disant, du péché originel. Alors, ils n'ont plus besoin de. Hein, ils vont plus être punis parce qu'ils ont été comme nettoyés là. Hein, c'est ça leur croyance. Donc ça veut dire qu'après ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À condition qu'ils croient en qu'est-ce qui est shirk. D'adorer Jésus, de prier à Jésus comme si c'était Dieu ou de fils de Dieu ou des choses comme ça. Sauf que tu te poses la question après, tu dis, mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui vivaient avant Jésus? Hein? Pourquoi, qu'est-ce que eux ils vont faire pour être pardonnés? Ils ont même pas connu Jésus. Ça fait aucun sens cette histoire. Depuis quand le fait que quelqu'un soit mort sur une croix, soi-disant, puis on sait très bien que il n'est pas mort, comme Allah il le dit dans le Coran, mais pourquoi le fait qu'il ait été mort ou qu'il soit tué injustement, que ça effacerait les péchés de quelqu'un d'autre? Hein? Ouais, c'est ça. À la limite, ça effacerait ses péchés à lui. Pourquoi ça effacerait les péchés des autres? Et quand tu réfléchis bien à ça, tu dis, hein, ça contredit même l'idée que eux ils prétendent du fait qu'ils disent que Jésus c'est Dieu, puisque Dieu peut pas mourir. Donc comment ils peuvent prétendre qu'il est mort sur la croix alors qu'il est Dieu? S'il est Dieu, il devait pas mourir. Et s'il est mort, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Après, ils disent non, mais c'est parce qu'après, il est ressuscité, donc c'est ça la preuve qu'il est Dieu. Ben, dans ce cas-là, s'il n'est pas mort, donc il ne peut pas ressusciter. Et s'il est ressuscité parce qu'il était mort, alors dans ce cas-là, il n'est pas Dieu. Hein? C'est un cercle vicieux, en fait, dans lequel ils sont. Et donc, c'est juste un exemple pour dire que leur notion du pardon, elle n'est pas la même que nous, les musulmans. Nous, on croit qu'un croyant, un musulman, du moment qu'il est sincère, qu'il a des remords, qu'il est déterminé à plus refaire le péché et qu'il demande pardon à Allah et qu'il se repent à Allah, Allah va lui pardonner et va accepter sa repentance. Pas besoin de croire que quelqu'un est mort sur une croix ou que son sang a coulé ou des choses comme ça. Eux déjà même, ils savent pas que le plus grand péché, c'est le shirk. parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi le shirk, et parce qu'eux-mêmes, ils font le shirk. Ils associent avec Allah, ils adorent d'autres que Allah, ils adorent Jésus. Et ça, adorer Jésus, c'est du shirk. Donc c'est ça le plus grand péché. Mais eux, quand ils parlent de péché, ils vont parler d'autres péchés parmi les kaba'ir. Mais ils ne vont pas mentionner le shirk. Hein? À moins que c'est quelqu'un qui adore quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Jésus ou que Marie, par exemple. Hein? Tu vas dire, par exemple, si un chrétien il prie à Vishnu ou à Lingam ou à Ganesh, une des divinités hindoues, ils vont dire, ah, ça c'est de l'idolâtrie. Mais si c'est Jésus ou Marie, c'est pas de l'idolâtrie. C'est quoi la différence? C'est la même chose. C'est des êtres créés. Et celui qui adore les êtres créés, il est mouchrik. L'autre jour, quelques jours, là, il y avait la fête de l'Assomption. Les chrétiens fêtent cette fête-là. Hein? Et c'est quoi cette idée de l'Assomption? C'est l'idée que Marie, elle a été élevée aux cieux, elle aussi, comme Jésus. Elle n'est pas morte. Et ils disent, même s'il n'y a pas de preuve dans les textes à ce sujet, c'est une croyance qui est acceptée par l'Église. Hein? Je ne sais pas de quelle année ça vient, là, mais j'ai entendu dernièrement, là, il y a même un ministre en France qui avait... Il y avait un ministre en France qui avait parlé de ce sujet-là. Hein? Et je vais vous montrer même son tweet, là, ça m'avait fait vraiment rire. Bon, ça m'a fait rire, c'est une façon de parler. Je ne sais pas, je ne le connais pas en fait, mais il s'appelle Gilbert Collard. Il dit dans son tweet, malgré les vols d'hosties, les profanations d'église, avec la protection de la Vierge Marie, nous serons les plus forts. Bonne fête de l'Assomption. Moi, j'ai dit, subhanallah, quelle protection de la Vierge Marie. Et en France, j'ai remarqué ça dans chaque grande ville. Il y a toujours une montagne, et sur le plus haut point de cette montagne, ils ont construit une église. Ils l'appellent Notre-Dame, parce que la Vierge Marie l'appelle comme ça, Notre-Dame. Notre-Dame de telle place. Hein? Même ici, au Québec, il y a des endroits qui s'appellent Notre-Dame de Bellevue, Notre-Dame de ci, Notre-Dame de ça. Ils parlent de la Vierge Marie, en fait. Hein? Et ils pensent que c'est elle qui les protège. C'est pour ça qu'ils le mettent en haut de la montagne. Ils pensent que c'est elle qui protège la ville. Hein? À Marseille, il y en a. À Paris, il y en a. Notre-Dame de Paris. En tout cas, il y a toujours un truc, là. Une cathédrale quelque part ou un endroit comme ça. Et eux, ils prient à Marie quand ils ont des problèmes. Même à l'époque des croisades, les mouchriquines, les chrétiens, ils allaient combattre les musulmans. Ils demandaient l'aide de la Vierge Marie contre les musulmans. Ils demandaient l'aide de la croix. Là, ils pensaient que la croix, ils ont dit, on a la vraie croix. Ils pensaient que c'est la vraie croix sur laquelle Jésus avait été crucifié. Et il dit ça, c'est une relique magique, là, il va nous donner un pouvoir, on va être capable de battre les musulmans. Malgré ça, ils ont été écrasés par les musulmans. Hein? Donc tout ça, c'est pour dire, c'est peut-être même que c'est une des raisons pourquoi ils ont abandonné petit à petit la religion chrétienne. Parce qu'ils avaient tellement pensé qu'ils étaient sur la vérité et que Dieu allait les aider contre les musulmans. Quand ils ont vu que les musulmans les ont écrasés à chaque fois, ils sont retournés en Europe, ils ont dit finalement, on n'est plus capable de rien faire contre ces gens-là, on va laisser la religion. Et là, ils ont cherché un autre moyen pour écraser les musulmans, ils ont utilisé la science et des trucs comme ça, découvert des différentes choses pour essayer de découvrir des nouvelles armes, hein, des nouvelles trucs. Subhanallah. Je lisais une fois, on s'éloigne du sujet là. Donc, ok, je vais revenir avec le livre, on va finir et puis après on discutera de ce sujet-là une autre fois. Donc, le cheikh, il explique et il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'on doit toujours... En fait, le cheikh, il dit qu'on doit toujours être entre la crainte et l'espoir et on ne doit pas donner à un priorité sur l'autre ou plus d'importance à l'un qu'à l'autre. Sauf dans un seul cas, c'est au moment de la mort. Il dit, au moment de la mort, tu dois donner plus de priorité à l'espoir. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim selon Jabir ibn Abdillah, que personne ou que nul d'entre vous ne meurt, alors, excepté que nul d'entre vous ne meurt, excepté qu'il a une bonne pensée à propos d'Allah. Donc ça veut dire que tu dois être optimiste et penser du bien d'Allah au moment de la mort et avoir de l'espoir en sa miséricorde. Il dit parce que l'être humain à ce moment-là, il ne peut plus faire d'œuvres, ne peut plus faire de bonnes œuvres parce que c'est le moment, il est en train de mourir. Alors il doit mettre plus d'importance du côté de l'espoir et ne pas donner plus d'importance à la crainte à ce moment-là. Tandis que s'il est encore vivant et qu'il est en santé, il doit essayer de rester dans l'équilibre entre la crainte et l'espoir. Et s'il est capable de faire des bonnes œuvres et de cesser de faire les péchés et la désobéissance, eh bien, il faut qu'il continue à rester entre la crainte et l'espoir pour justement avancer. Et le cheikh, il dit que l'espoir qui est louable, donc il y a deux... Les ulama, ils ont expliqué ça. Ils ont dit, il y a plusieurs formes d'espoir. On peut dire qu'il y a un espoir qui est louable et un espoir qui est blâmable. Et il y a une crainte qui est louable et une crainte qui est blâmable. Donc, l'espoir qui est louable, c'est celle qu'elle ne va pas t'amener à te sentir en sécurité de la colère d'Allah. Tu ne vas pas oublier la colère d'Allah malgré cet espoir-là que tu as en lui. Et tu ne vas pas non plus te sentir en sécurité contre son châtiment. Et la crainte qui est louable, c'est la crainte qui ne te fait pas perdre espoir en la miséricorde d'Allah. D'accord? Donc, c'est toujours d'être dans le juste milieu. Et l'autre jour, yani, subhanallah, j'ai rencontré un jeune frère. Ce frère-là, je le connais depuis des années. Ça fait peut-être 20 ans que je le connais. Subhanallah, à chaque fois que je le vois, il baisse dans sa pratique religieuse. Nasallallah al-afiya. Qu'Allah nous préserve. La raison, Allahu a'lam, je ne sais pas. Peut-être qu'il se détourne de la sunna. Mais, à la kulli hal, pour te dire, c'est un frère que j'ai connu à l'époque. Il était plus jeune. Il avait la barbe. Il portait toujours le qamis. Et il était toujours à la mosquée. Puis, petit à petit, il n'a pas de barbe maintenant. Il a vraiment changé. Même son apparence physique, il a changé. Il a tout changé. Et la dernière fois que je l'ai vu, avant, il parlait de religion et des choses comme ça. Il me dit, Souleymane, depuis que je te connais, tu n'as jamais changé. C'est-à-dire, depuis que je te connais, depuis le tout début, tu as toujours été tel que tu es maintenant. Tu n'as jamais changé. Mais là, d'habitude, il m'avait déjà dit ça dans le passé. On se rencontre une fois de temps en temps comme ça, à chaque 3 ans, 4 ans, on se rencontre par hasard dans la rue. Et il me voit, il me dit des choses comme ça. Cette fois-ci, quand il m'a dit ça, il me l'a dit, mais on dirait que maintenant, il me disait ça dans le sens comme si pour dire, t'as pas besoin de faire tout ça. Ouais. Il me dit, Souleyman, déjà, maintenant ta barbe commence à être grise. Et il dit, t'as pas besoin de faire tout ça. T'as déjà le paradis, mon frère. Il m'a dit, t'es converti à l'islam. Allah t'a guidé. T'es déjà au paradis, là, ça y est. T'as pas besoin de faire tout ça. Et j'ai été un petit peu attristé par le fait de l'entendre parler de cette façon. Et je ne l'ai pas reconnu dans son apparence, pas seulement parce qu'il avait rasé sa barbe, mais d'autres choses aussi. Non, c'est-à-dire que ça, c'est sûr, il a changé sa façon de penser aussi, mais son look, là, sa façon son apparence, il était différent. Son visage avait maigri, il était comme bronzé, alors qu'habituellement, il n'était pas comme ça, puis sa chemise en haut là, il l'avait ouverte un peu, on voyait comme il a pris un autre look comme quelqu'un qui sort, hein, qui va aller sortir en boîte ou des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il fait ça, mais c'est l'apparence qu'il avait, le look. Quelqu'un qui essaie d'avoir cette apparence-là de qu'est-ce que les. Comme un acteur ou un chanteur, une vedette, il s'habille comme ça un peu. Donc ça m'a attristé. Puis quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mon frère, il faut toujours faire attention. Il faut jamais se sentir en sécurité du châtiment d'Allah. Et il faut pas non plus se sentir à l'abri de la ruse d'Allah. Et là, il me citait des paroles de Hassan al-Basri. Et tout ce qu'il dit, là, il parle en arabe, hein, arabe fusha. Et puis, quand il me parlait, c'est comme s'il était en train de me faire une khutbah presque. Il cite les versets, il cite les hadiths, il parle bien. Hein. Puis c'est un jeune, il est intelligent. Il est comme, quand tu le vois, c'est quelqu'un qui a une belle apparence. Tu vois? Il me disait des choses de ce genre, donc. D'un côté, Annie, je le voyais, puis en même temps, j'étais triste. Et je ne voulais pas le brusquer, je ne voulais pas lui parler d'une manière pour l'attaquer, là. Je voulais plutôt essayer de lui faire comprendre, lui faire réfléchir. Oui, alors je lui disais, mon frère, tu ne peux pas dire que je suis sauvé. Tu ne peux pas dire que parce que je suis converti à l'islam, que je suis au paradis déjà. Combien de gens qui ont été bien guidés, puis qu'ils se sont déviés par la suite? J'ai dit, la seule chose que je demande à Allah, c'est qu'il me raffermisse sur la vérité et qu'il me garde sur la droiture jusqu'à la mort. C'est ça seulement. Il n'y a personne qui son paradis il lui est garanti dans sa main, là. Hein? Donc, c'est ça que je lui ai dit seulement. Et puis, je lui ai dit, si tu veux, tu peux venir avec nous à la mosquée. Et j'ai dit, là, en ce moment, les frères, ils m'attendent pour le dars. J'ai dit, si tu veux venir, viens avec moi. Et puis, il m'a dit, ah non, désolé, je suis avec quelqu'un de l'autre côté, mais je t'ai vu de l'autre bord de la rue. Il dit, l'autre côté de la rue, je t'ai vu, je suis venu pour te parler. Mais sinon, là, je dois partir parce que j'ai quelqu'un qui m'attend. J'ai dit, khair, inshallah. Donc, jusqu'à la prochaine rencontre, peut-être dans 3 ans. Ou 4 ans, ou Allahu alam, quand est-ce qu'on va se revoir? Et ça fait toujours bizarre de revoir des gens qu'on ne voit pas souvent. Quelqu'un, ça fait plusieurs années que tu n'as pas vu, de voir leur changement. Des fois, il y en a qui changent pour le mieux, des fois, il y en a qui changent pour le pire. Mais à la kulli hal, on espère que Allah nous préserve tous. Et ça, c'est une chose que je me suis toujours dit, yani, chaque semaine, tu dois regarder, même, disons, même chaque année, tu dois essayer de voir, est-ce que cette année j'étais meilleur que l'année passée? Chaque mois, tu dis, est-ce que ce mois-ci j'étais meilleur que le mois passé? Chaque semaine, tu dis, est-ce que je suis meilleur cette semaine que la semaine passée? Est-ce que j'ai fait plus de bien? Et chaque jour, essayer d'être meilleur que le jour précédent. Tu vois? Donc, tu te fais des comptes à toi-même, chaque jour, tu dis, aujourd'hui, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Demain, Inch'Allah, je vais me reprendre et je vais essayer de faire des corrections, hein, de m'améliorer. Et je pense que le fait de voir les choses comme ça t'aide à t'encourager à rester toujours sur la droiture. Moi, franchement, je vous dis, mes frères, et Annie, on essaie de garder la tête au-dessus de l'eau. Et comme on dit là, on est dans ce pays, il faut se débattre. Si tu arrêtes de te débattre dans l'eau, quand tu es dans l'eau là, si tu cesses de bouger, tu vas couler. Même si à l'extérieur, tu as l'air immobile là, ta tête est en haut de l'eau, mais en dessous là, tes bras ils bougent, tes jambes ils bougent, toujours actif. Pour rester la tête en haut de l'eau. Et c'est comme ça qu'on doit essayer toujours de rester actif, pour essayer de garder notre foi toujours vivante et de rester toujours avec nos frères, pour que ça nous encourage à continuer toujours. Parce qu'on a tous la foi qui peut monter parfois et parfois elle peut baisser. Il n'y a personne qui est toujours une foi constamment en croissance, toujours en hauteur. Non! Ça, c'est pas vrai. Notre foi, elle augmente, parfois elle diminue. On a besoin de frères qui vont nous faire des rappels, qui vont nous booster des fois pour nous ramener un petit peu sur le droit chemin. Islam, ça c'est un vrai que je connais depuis des années. Lui, ça arrive des fois, il disparaît. Pendant un an, je ne le vois plus. Puis tout d'un coup, il revient comme ça. Hein? Ah, les soufis. Il y a des soufis qui disent ça, que la foi, elle augmente tout le temps. Mais ça, c'est des choses que je suis certain qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent quand ils disent ça. Parce que tout le monde est conscient de lui-même. Hein? Ala kulli hal, on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. On continuera au prochain cours, bi-idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته